cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, amma antum ayyuha al-shabab, fa'alaykum an tahtammu bi anfusikum awwalan. On est toujours, walillahi alhamd, en train de lire هذه الرسالة المفيدة, توجيهات مهمة لشباب الأمة. للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير sur des conseils importants pour les jeunes de la communauté. Et la première partie qu'on a lue, c'était des conseils importants pour les parents. Il y en a ce jeune, avant de devenir jeune, c'était un enfant. Et les parents, ils ont une énorme responsabilité via des marhala. Marhala tattufoula. هنا il y a beaucoup de choses à faire concernant le prénom, concernant l'aqiqa, concernant l'environnement dans lequel cet enfant il va grandir. Faut arriver à un certain âge, lui montrer comment manger, comment faire le salat, il a akhiré. ثم on arrive à هذه المرحله, مرحله الشباب. Quand cet enfant ça deviendra un jeune, arrivé à 12, 13, 14, 15 ans. En هذا الحال, c'est une autre étape et elle est très très importante. Et cette étape, plus la première, elle a été soigneusement faite et les parents ils ont pris du temps, plus cette étape de Al-Shabab est arrivée à 13, 14, 15, 16 ans, elle sera facilitée. Mais cet enfant il aura des bases. L'insan il s'habitue à une chose. L'être humain, il est comme ça. Quand il s'habitue à une chose, il a du mal à changer. L'imam Al-Qayyim, rahimahullah, il a montré c'est de changer une chose habituelle. Et une chose dont il a pris l'habitude, c'est très très dur. C'est pour ça que l'insan, quand il change de climat, de pays, il est très beau au départ. Donc cet enfant, et c'était le sujet des premiers cours, il a aussi au départ, il est éduqué depuis son plus jeune âge, avec un bon environnement, cette étape, elle sera simplifiée. Mais à partir de ce passage jusqu'à la fin du livre, ça sera des tawjihat pour les jeunes, une mise en garde contre l'afkar, l'munharifa. Au début du dars, on avait cité que les jeunes ils sont exposés à deux genres de fitan, fitnat al-shubuhat ou fitnat al-shahawat. Dans les doulous précédents, on a parlé, walillahi alhamd, walaw assez vaguement de fitnat al-shahawat, ayma yata'alak les ma'asi, al-zina, ila akhri. Le jeune, il est exposé à ça. Et dans la suite de ces doulous, ça sera surtout par rapport à fitnat al-shubuhat et les ambiguïtés. Khasatan pour ce jeune qui veut faire des efforts dans le din. Et là, c'est très très important. Donc, quand on conseille les jeunes, on ne doit pas négliger les deux. Donc, moi, ça dépend. Certains jeunes, madalane, qui vont faire des efforts dans le din, il a akhiré, on va plus accentuer à mettre en garde de la fitna des shubuhat. Faire attention aux groupes égarés, faire attention aux mauvaises croyances, il a akhiré. Si c'est un jeune, miskin, il est assez loin du din, et il est attiré par al-haram, et il sort, il a akhiré, et al-hal, on se concentrera plus au départ d'essayer de lui montrer le haq pour purifier ce cœur, hatta délaisse ses ma'asi. Et quand il revient au haq, on lui montre at-tariq as-sahih. Enfin, ça va ensemble. Qala amma antum ayyuha al-shabab, fa'alaykum an tahtammu bi anfusikum awwalan. Al-shab, le jeune, au départ, il doit faire des efforts sur lui-même. Et ça, c'est très très important. Amma le jeune, au départ, il n'est pas prêt. Il n'est pas apte. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'ilm. Il ne connaît pas grand-chose de la vie. Et il veut directement s'occuper des autres. Il pense directement qu'il est responsable des autres. Ah ben, il se fera beaucoup de mal et il fera du mal aux autres. C'est pour ça que Cheikh, hafidhahullah ta'ala, il a commencé par « Hadafa alaykoum an tahtammu bi anfusikum awwalan. Limada li anna ba'd al-shabab. » Ils ne sont pas encore prêts. Que ce soit dans l'ilm, que ce soit dans beaucoup de choses. Et la fougue. Ba'dhum, bien sûr, c'est une bonne intention. Il regarde beaucoup les autres. Pourquoi un tel il fait ça et pourquoi un tel il fait ça? Thumma, il a plus le temps d'apprendre et ahyanan il veut agir et il fait que du mal. Allez, هذه المراحل sont très très importantes. Au départ, le jeune, il doit s'occuper de lui-même, apprendre. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Et هنا, quand on dit les jeunes, ce n'est pas les jeunes qu'on âge. Ou alors, si on parle de l'âge, enfin, marhalatu al-shabab, ne pas penser qu'un jeune, c'est que 15 ans, 16 ans, jusqu'à la vingtaine, là. Trentaine, même jusqu'à la quarantaine, l'insan est encore considéré comme jeune. Et ne pas oublier autre chose, un nafil ilm, celui qui veut aider les autres au départ, il est débutant, même s'il est âgé. Un débutant, c'est un débutant. Et on emploiera le mot débutant. Et le fait d'être débutant, ça n'a plus rien à voir avec l'âge. Tu peux trouver un savant qui est assez jeune, et tu peux trouver une personne très très âgée qui est débutante. Fil ilm. Ah là, c'est un point important. قال عليكم بطلب العلم النافع توجهوا بطلب العلم النافع على أيدي العلماء سواء في المدارس والمعاهد والكليات أو في المساجد حضور دروس العلماء المعروفين بالعلم والاستقامة وتقوى الله عز وجل الخالين من الأفكار الشاذة والأقوال الغريبة Donc le premier conseil قال عليكم بطلب العلم النافع Faire des efforts في العلم يتأملوا أنه Il n'a pas cité que l'ilm. قال العلم النافع. Et pour que l'ilm النافع, pour que l'ilm plutôt il devienne نافع, et la science elle devienne profitable, deux choses importantes. أولا, étudier le bon ilm, c'est-à-dire le Coran ou le Sunna, et كذلك, étudier le Coran ou le Sunna selon la voie des savants et des salafs. Donc deux points importants. Et la chose elle-même qui est étudiée, il faut choisir. Bien sûr, on a al-murad, c'est le Coran et la Sunna. Et كذلك, étudier le Coran et la Sunna avec une bonne, avec une méthodologie correcte. Dans ce cas, l'ilm, ça deviendra nafi'. فلهذا قال توجهوا بطلب العلم النافع على أيدي العلماء. على أيدي العلماء. Pour que l'ilm soit nafi', il faut le prendre de l'ulama. Amma l'insan, même s'il prend du ilm, ilm sahih. مثلا القرآن الكريم لا parole d'Allah عز وجل أو دي أحاديث du prophète عليه الصلاة والسلام لكن il veut apprendre tout seul أو chez les mauvaises personnes هذا العلم à la base qui est authentique ربما لا يستفيد منه بل ربما ça lui fera beaucoup de mal c'est exactement comme celui qui veut prendre un médicament sans l'avis d'un médecin ça peut être un médicament reconnu qui a fait ses preuves لكن pour lui il n'est pas adapté S'il commence à vouloir faire les choses seul, Robama, un médicament à la base, c'est quoi le rôle d'un médicament? C'est de soigner. Ce médicament, ça devient un darar pour lui, pour cette personne. Limada, Emma, il l'a pris au mauvais moment. Emma, il a pris une quantité trop forte. Emma, son corps, il n'était pas adapté. Il n'était pas prêt à recevoir ce médicament. Pour qu'il soit nafi', il y a une façon. La façon, c'est de revenir à l'ulama. Comme on parle, que ce soit dans madaris, ma'ahid, kulliyat, masajid, la chakana anfa', at-turuq, c'est fil masajid, comme c'était à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, et à l'époque de as-sahaba, radiyallahu anhum. Et à la kulli hal, l'insan, par rapport à l'endroit où il se trouve, si c'est une école, si c'est un ma'had, un marquis, si c'est dans une maison, al-muhim, l'essentiel, khud hada l'ilm, عند أهله. Fais attention de ne pas prendre هذا العلم عند الجهال أو عند المنحرفين أو عند المجهولين. Trois catégories à éviter. Les ignorants, les égarés et les inconnus. Préserve ton din. Et ça y est, مزيد بيان في ذلك إن شاء الله. قال عليكم بالعلماء المستقيمين المتجهين الاتجاه الصحيح. فتلقوا عنهم العقيدة والعلم والأخلاق والسلوك والمنهج الصحيح. نعم. Et bien sûr, on commence par العقيدة. فلهذا قال فتلقوا عنهم العقيدة. Ça, c'est la première chose. هذه العقيدة السلفية الطيبة. La base de notre دين. L'explication des fondements de l'Iman. وهكذا l'explication des fondements de l'Islam en commençant par الشهادتين. C'est ça la base de notre deal. Et si on étudie هذا العلم عند العلماء عند أهله, العلماء il commence par هذا. Et il donne beaucoup d'importance à هذا, à la croyance authentique. وهكذا, ne pas négliger bien sûr العبادات, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la salat, la zakat, le siyam, le hajj, etc. كذلك الأخلاق والسلوك c'est très très important, le bon comportement. Et al-manhaj al-sahih, كذلك la voie à suivre. Manhaj al-sunna wal-jama'a. Pour ne pas tomber dans l'extrémisme ou dans le laxisme. Toujours emprunter la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, pour la suivre, il faut revenir à ulama al-sunna. Wallahi, la voie du juste milieu, c'est pas l'islam de France. La voie du juste milieu, c'est pas la voie des dha'i'in, hein, des youtubeurs qui rendent halal beaucoup de choses qui sont haram et qui essayent de faciliter en dépassant les limites. Et بعضهم, leur objectif, c'est de gagner de l'argent. C'est pas ça la voie du juste milieu. Avec ha'oula, tu n'apprendras la ilm ou le shay. La ha'oula, c'est comme des entraîneurs fait dunya, un entraîneur dans le sport, ou c'est masail de dunya. Il fait une chose, c'est des choses de dunya, et كثير منهم, c'est pour l'argent. Et ahl dunya, ils ont ahsan halan. Mais si je suis de dunya, s'ils t'enseignent une chose, un sport ou autre, tant que c'est halal, alhamdulillah. Mais ha'oula, ils ont pris la méthode de ahl dunya pour propager le din. Et ça serait pour propager le din en sahih. On aurait dit, faut corriger certaines choses. Là, ils ont pris le dunya pour propager al-batil wal-ahwa. Fa'ala kulli hal, nahdhar. On fait attention surtout à notre époque. Qala, alladhi tata'amaluna bihi ma'a anfusikum wa ma'a ghayrikum. Ça nous montre anna al-ilm an-nafi'. Tu sauras comment te comporter envers toi-même. Te comporter avec tes proches. Avec le qarib, avec le ba'id. Dans la rue. Avec les autorités. Avec les ennemis de l'islam. Avec le mubtadi', avec ton ami, avec talabat al-ilm, avec les savants, tu apprendras comment te comporter. Pourquoi l'un on a khalal kabir fi kathir min al-shabab? Pourquoi on a un gros problème avec beaucoup de jeunes? Pardon, ils ont un mauvais comportement avec les autorités. Pardon, ils ont un mauvais comportement avec le gouverneur. Pardon, ils ont un mauvais comportement avec leur famille. D'autres, ils ont un mauvais comportement avec leurs frères. D'autres, ils ont un mauvais comportement avec les kuffars, les ennemis de l'islam. Limad, parce qu'il y a un khalal fi al-ilm. Tu n'apprendras jamais هذه المعاملة عند أهل البدع فضلا عن الكفار أبدا. Même si tu apprends certaines choses, il ne faut pas mentir, il ne faut pas كذا, ça sera pas comme l'enseignement de l'islam أبدا. Hum, ils vont te montrer certaines choses où on est tous d'accord, مثلا il ne faut pas mentir, لكن dans certains points leur éducation elle montre que tu peux mentir et ils mentent هم, dans beaucoup de cas. Allez, هذا الشاب qui grandit avec cette éducation, il se contredira beaucoup. Et vu qu'ils se contredisent, ils t'apprennent certaines choses, en apparence c'est la vérité, le fond de leur apprentissage, c'est basé que sur Dunya. C'est basé que sur Dunya. C'est pour ça qu'au Bardoum, ils autorisent des choses pour Dunya qui impliquent des choses très très graves. Prends l'exemple des manifestations qu'on a parlé il y a quelques jours. Eux, dans leurs écoles, et même Ahlul Bida'a, ils appuient sur le bon comportement, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il ne faut pas... Tout ça, c'est haq. Et, on a beaucoup de textes qui prouvent hada. Et Ahl Sunna, ils appellent à hada. Ben, c'est eux qui appellent le plus à hada et le plus correctement. Mais à hada, tu trouves Ahlul Bida' ou Al-Kufa, prends faqat le sujet des manifestations. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est permis, c'est la liberté. Ces manifestations, depuis que ça existe, si tu prends depuis les révolutions qu'il y a eu en Europe, en France, jusqu'à aujourd'hui, si on pourrait compter combien de morts et combien de blessés, wallahi tata'ajjab. Wallahi, plus que certaines guerres. Alors que eux, ils appellent à hada, alors que c'est que du shar. Notre dîn, vu qu'il n'y a pas de contradiction, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit d'être injuste, tu n'as pas le droit de casser, de voler, de brûler, de blesser, de tuer. Donc, tu n'as pas le droit aux manifestations. Hakada notre dîn. C'est pour ça que Al-Shabab, l'an, ils se contredisent. Et Bardahoum, ils sont complètement perdus. Les Mada, les Anna, ils ont une éducation autre que Al-Qur'an ou Al-Sunna. Qala, Haïdahu Allahu Ta'ala, فَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا فَكَمَا كَانَ شَبَابُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم يتعلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون على علماء الصحابة فأنتم تعلموا على ورثة الرسل أو على ورثة الرسول أي للصحابة صلى الله عليه وسلم وهم العلماء ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام c'est les héritiers du prophète عليه الصلاة والسلام العلماء السنة علماء qui ont pris العلم avec la compréhension des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum. Hada insha Allah, il aura pris shay min mirath an-nabi alayhi salatu wasalam. Il fera des efforts pour étudier une partie de l'héritage du prophète alayhi salatu wasalam. قال التمس العلم عند اهله سواء في الدراسه او في حضور الندوات والمحاضرات والمواعظ او في قراءه الكتب المفيده. Il y a plusieurs moyens d'apprendre. On répète, la meilleure méthode et la plus profitable et bénéfique, c'est fil masajid عند العلماء. Celui qui apprend fil masajid عند العلماء, dans les mosquées, chez les savants, avec une bonne intention, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et une méthodologie correcte. Il commence par l'essentiel, il se concentre sur la mémorisation, khassatan au départ, il commence par le Coran, il fait beaucoup d'efforts en langue arabe, et bien sûr en patientant et la régularité. Dans quelques années, wallahi alhamd, il aura beaucoup travaillé. Ça c'est al-wasa'il. Tu as d'autres méthodes, assister à des doros, à des muhadarat, la lecture des livres, etc. À la kulihal, on ne détaillera pas la méthodologie, on l'a déjà détaillé, wallahi alhamd, dans plusieurs doros qu'on a propagés. Et al-ulama, ils ont écrit des kutub fi hada. On avait étudié une risala mufida ma'a ikhwanina, adab ou adab al-mu'allimin wal-muta'allimin, de Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. Et كذلك la risala de Cheikh Abd Salam rahmatullah alayhi sur awa'iq talab al-ilm. هذه الرسائل أي sur les obstacles du talab al-ilm. Dans ces رسائل tu trouves beaucoup de خير, on les a étudiés ensemble et on les a propagés, ولله الحمد. قال هناك الآن طريقتان منحرفتان في التعلم. هذا الترتيب ça montre فقه المؤلف حفظه الله تعالى. Cet ordre, il l'a cité pour une raison bien précise. Vous avez remarqué qu'il a encouragé Awolan à étudier l'ilm. Thumma, huna, il va mettre en garde contre certaines façons d'agir dans l'étude de la science. Limada, hada, c'est important. Limada, li'anna l'ilm al-shar'i, il a beaucoup de fada'il. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils entendent les hadiths et les versets du Coran sur les bienfaits de la science et les bienfaits d'assister au durus, il a akhri, ça les pousse à étudier, à faire des efforts via hada. Lakin, cette fougue, cette envie, cette motivation, si elle n'est pas canalisée avec sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la voix des salafs, ça peut devenir un darar. Ça peut devenir un préjudice ou ça peut être cause de méfait pour celui ou celle qui apprend. Li hada, il a mis en garde contre hadhihi at-turuq. Qala awlan, la première mise en garde, التعلم على الكتب بدون العلماء. أي le fait de vouloir apprendre en revenant aux livres, en lisant des livres, sans revenir aux savants de la sunna. قال فهذه طريقة منحرفة وكثير من ضل بسببها. Beaucoup de gens ils se sont égarés. لماذا؟ لأنهم ils s'appuient que sur les livres. قال لأنه لا يفهم ما في الكتب أو يفهمه على غير مقصودها. نعم لأن هذا الشاب ce jeune, que ce soit un homme ou une femme qui veulent faire des efforts fil-ilm au départ, si ils lisent un livre seul, pas d'explication, pas de bayan, ils ont peut-être des questions à se poser, peut-être ils ont besoin de conseils ou la chèque, et هكذا ils lisent tout seul, روبما un texte clair عند العلماء qui est expliqué de telle façon, هم ils vont le comprendre autrement. خاصة تعلمون أن الإنسان il est touché par l'environnement dans lequel il vit. S'il vit dans un environnement de khawarij, ou qu'il y a l'anarchie, comme on dit, des manifestations, et l'insan, s'il grandit dans cet environnement, il est touché. Obama, il va lire un livre, il va comprendre des choses par rapport à ce qu'il vit. Et il peut pencher très vite fi madhhab al-khawarij, ayyadan billah. Fali hada qala, la yafham ma fi al-kutub. Encore plus si c'est des traductions. La traduction, tu lis pas le livre du shir. La traduction, tu lis pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu lis l'explication. Tu lis une traduction des sens du Coran. Est-ce que le sens, il a bien été expliqué? Donc tu dois vérifier où est la traduction. Et هكذا le livre du Shir. Maintenant, نحن الان on lit والله الحمد directement la parole du Shir al-Fawzan, elle est واضحة en langue arabe. Bien sûr pour celui qui comprend la langue arabe et on s'entraide entre nous. C'est pour ça que nos dourous sont les faits en arabe français pour faciliter à nos frères. Voyez là celui qui veut lire la traduction, est-ce que le traducteur awwalan il est compétent, il a bien compris? Wallahi, certaines traductions, tu lis des passages, tu vois clairement, même tu n'as pas l'original, tu vois clairement que c'est pas Uslub Shir al-Fawzan. C'est pas Uslub Shir al-Albani. Tu sais, celui qui a l'habitude de lire en arabe, il sait que l'imam al-Albani, il a pas l'habitude de parler comme ça. L'imam al-Qayyim rahimahullah, il a jamais voulu dire hadha al-kalam. Tu reviens à l'original, c'est pas comme cela. Pourquoi? Il y en a la traduction, un mot, tu peux avoir beaucoup de sens. Est-ce qu'il a choisi le bon sens? Est-ce qu'il a voulu faciliter? Est-ce que c'est un fougueux, le traducteur? Il veut rendre les choses difficiles? Et là, ça nous montre un, l'ilm, la solution. On répète, Kalam Shir al-Fawzan, Hafidhahullah, l'an, il parle des arabophones qui connaissent l'arabe et qui peuvent revenir au livre directement. Et Yaqul, Hafidhahullah, c'est pas la solution. Wa sadaq. C'est pas la solution, surtout pour celui qui a les moyens d'apprendre. Inda al-ulama. Et à notre époque, même celui qui n'a pas les moyens d'apprendre directement عند العلماء, on a beaucoup de wasa'il. Maintenant, un livre, tu peux suivre le livre avec les audios du shir. Maintenant, un frère, il veut lire Kitab al-Tawhid. Alors, Obama Kitab al-Tawhid, certaines choses, il ne va pas comprendre. Enfin, si il suit avec Doros un shir, mina Mashaykh al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdulillah, ça y est, ça y est, ma hada. Si une chose, il n'a pas compris une chose d'ambigu, il a dit, il revient à l'ilm. Amma, mujarrad al-kutub, ça peut faire du mal à celui qui dit. On répète, hada, c'est en arabe. Amma, les traductions, c'est encore plus loin. Les mains, on répète, les traductions, tu lis plus le livre du Shir. Tu lis une traduction, c'est comme si c'était un commentaire. Tu peux pas traduire certaines choses mot à mot. Yad al-hal, l'insan, on dit pas qu'il faut pas lire les traductions, khasatan pour le débutant, lakin, on veut venir à un point important, ne fais pas de cette étape temporaire, les traductions, annahu khalas, tu penses que c'est une solution, et ça devient une habitude, et pendant des années, tu restes ala hadha al-hal. Tu avanceras jamais fil ilm. Les traductions, c'est tayyib les premiers mois. Certaines traductions fit tawhid, qui ont été traduites soigneusement, certaines traductions, مثلاً, l'explication de Fatiha, l'explication des 40 Nawawi, l'explication de Al-Usul Salat, Nawaqid Islam, au départ, Alhamdulillah, l'insan ne peut pas apprendre la langue arabe du jour au lendemain. Fiyad al-Hal, certaines traductions, Thumma, en parallèle, il fait beaucoup d'efforts en langue arabe. Hatta il bascule, Inch'Allah, en apprenant en langue arabe. Qala, li'annaha lam tushrah lahu wa tuwaddah. وقد يكون المؤلف منحرفا في فكره أو في علمه فيملى كتبه بالأغلاط العلمية فيقرأها هذا الشاب الجاهل فيعتنقها فالكتب لا يعتمد عليها. Encore plus grave si c'est des livres d'égarés. Si c'est des livres d'un savant, l'insan, ربما, il a du mal à comprendre seul et il peut mal comprendre ou interpréter les choses de façon erronée. هذا, ça arrive. أما si c'est le livre d'un munharif, le livre d'un Ikhwani, le livre d'un Khariji, le livre d'un Ash'ari, d'un Jahmi, d'un Ravidi, c'est une moussiba. Ala kulli hal, stafadna deux choses. Revenir aux savants de la Sunna et revenir aux livres des gens de la Sunna. Et ces livres, tant qu'on peut les comprendre et les étudier, inda ulama al-Sunna, on doit faire cet effort. Qala hatta wa hatta law kanat kutuban sahiha. Hada ila nabda. Même si c'est des livres des savants de l'islam. الإمام ابن تيمية الإمام ابن القيم etc. قال فإنك لا تفهمها على المطلوب. Pourquoi? لأن ce طالب أصلا s'il veut emprunter ce chemin, étudier la science, c'est un débutant. Enfin, est-ce que le débutant il est capable de lire tous les livres? Abadan. وإلا فالعلماء depuis l'époque de Sahaba رضي الله عنهم jusqu'à nos jours, لماذا ils ont propagé العلم, ils ont eu des élèves, leurs élèves ils ont eu des élèves, لماذا? Ça montre qu'il y a un cycle à respecter, une méthodologie à emprunter. Ama hakada l'insan chez lui, et il lit des livres, khasatan, on a une autre musiba, c'est la lecture des livres. On vit à une époque, l'insan, il lit plus le livre du début à la fin, là. Il va lire certains passages, et certains passages, il va lire une partie de ce passage. Comment il va penser que le shir il a dit alors que le shir il a jamais dit hada. Et Bardoum, il commence un livre, Thumma il lit un autre livre. Bardoum, il rentre dans des mujalladat, dans des livres très très vastes alors qu'ils n'ont pas le niveau. Voilà, chacun a hada, ça fait beaucoup de mal. قال فإنك لا تفهمها على المطلوب وما ظل الخوارج مع ذكائهم ومع ورعهم وأظلوا إلا بسبب أنهم انعزلوا عن العلماء. الخوارج les sacrifices qu'ils ont fait. On parle pas de الخوارج de notre époque, أهل الدنيا. C'est tous des égarés الخوارج. Lakin ceux d'avant, ils ont fait certains sacrifices. بعضهم انعزل كما حصل في حارورة أنهم ils ont délaissé الدنيا. Ils faisaient beaucoup d'efforts dans la lecture du Coran, dans la salat, إلى آخره. Tous ces efforts, c'est des égarés. لماذا لأنهم ils ont délaissé la voix des savants. Ibn Abbas رضي الله عنه. Quand نظر الخوارج كما جاء في الحديث avec قصة علي رضي الله عنه, il a demandé à Ali. Ali c'était Amir al-Mu'minin, le chef des croyants à cette époque. Ibn Abbas, il a demandé à Ali رضي الله عنه l'autorisation de discuter un débat avec le Khawarij. Il s'était retranché dans un endroit, Haroura, pour combattre Ali, radiyallahu anhu. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a voulu être l'intermédiaire pour calmer les choses, pour les conseiller, hatta ils reviennent, avant de les combattre. Ali, radiyallahu anhu, khaf ala Ibn Abbas. Il a eu peur pour lui. Annahum, ils lui font du mal. Les Anna al-Khawarij, c'est des khubatha, ils ont du makr. Lakin, Ibn Abbas, il a insisté, et Ali lui a donné l'autorisation. Fadahaba indahum. Il est parti les rencontrer à Haroura et il les a conseillés. Et ils respectaient Ibn Abbas. C'est le cousin du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a akhl. Parmi les choses que Abdullah Ibn Abbas il leur a dites pour leur montrer qu'ils sont à la dalal, qala lahum laysa fikum ou laysa minkum ahad min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, comment vous pouvez être sur la vérité alors qu'il n'y a pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vous? Les compagnons, ils étaient avec Ali, radiyallahu anhu. Envoie, هذا الاستدلال. Ça montre quoi? Ça montre أن الشباب, وغير الشباب, s'ils s'écartent des savants, là, chacun a cette fracture entre savants et le reste de la communauté, c'est mauvais. Et ça pousse, خاصة les jeunes, à s'égarer. قال حفظه الله واعتمدوا على فهمهم واعتمدوا على أمثالهم. Ils ont pensé من أقوالهم. Al-Khawarij, à l'époque de Ali, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Antum rijal wa nahnu rijal. Ali, radiyallahu anhu, il y avait avec lui sahaba, compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ulama, a'imma, Ibn Abbas et d'autres, min kibar al-sahaba. Qu'est-ce qu'il disait, Al-Khawarij? Il disait, nahnu rijal wa antum rijal. On est des hommes, vous êtes des hommes. Vous lisez le Coran, on lit le Coran. Vous apprenez le Coran, on apprend le Coran. Exactement les choubaha d'aujourd'hui. Afrakha, Al-Khawarij. Les descendants des Khawarij qui vivent en notre époque, qu'est-ce qu'ils disent sur l'ulama? Ils disent Anahum, ils sont la solde des gouverneurs. Anahum, c'est de ulama haïd on y fait. Ils connaissent pas l'actualité. Anahum, Bardoum, yata'an fils salavien, ils disent, et vous, vous dites qu'il y a des savants qu'en Arabie Saoudite. D'autres, ils disent, vous suivez que les savants du Yémen ou de tel pays. Tout ça, c'est minel djahl. Les sunnis respectent les savants. Aïna makanu. Lakin, ha'oula, ils ont du hiqd et ils respectent pas ahl al-ilm. On doit faire très très attention à hadith shubha. C'est l'insan, le shaitan, il lui fait croire annahu khalas, il a compris, et il pense annahu, il peut faire, il peut avancer sans revenir au savant. Ah là, il a ouvert une porte d'égarement. Sha'a am aba. Qala fatalaqa ba'duhum an ba'd, fasaru dararan ala anfusihim wa ala al-umma, fahadihi natijatul in'izal anil ulama. Qu'est-ce qu'ils ont fait le khawarij? Ils prenaient l'un de l'autre. Ils ne revenaient plus au savant là. Et ça, c'est très très grave. Quand un qoum, ils ne reviennent plus au savant, et hada, il prend un hada, ou hada, il prend un hada, sans revenir au savant, khalas. Les malades, il y en a un ignorant, il ne peut pas soigner un ignorant. Plutôt, un malade, il ne peut pas soigner un malade. Eh ben, t'es obligé de revenir au tabib. Ahlul ikhtisas, ceux qui ont fait des efforts dans les études de la médecine, pour pouvoir, bi'idnillahi azza wa jal, te soigner. Mais un malade, il va voir un malade, ça ne fait que rajouter de la maladie. قال وأوصيكم أن تشتغلوا بطلب العلم النافع على أيدي العلماء وأن تجتنبوا الخوض والكلام في الناس والغيبة والنميمة والتجريح والتشهير فإن هذا الشر مستطير فرق شباب الأمة وجعلهم شيعا وأحزابا بسبب الوقيعة في الناس. Après avoir cité le premier mal, hafidhahullahu ta'ala, هنا, il va, ce qu'on vient de lire, c'est une brève introduction, deuxième point. Donc la première, c'est la méthodologie. Revenir au savant, étudier l'ilm petit à petit, ne pas se baser que sur les livres, assister aux assises, demander, poser ses questions quand on n'a pas compris la régularité, bi'idhnillah azza wa jal, at-talib petit à petit, il avancera. Le deuxième point, قال, فهناك من ليس لهم هم إلا فلان قال كذا. Deuxième chose, أن بعض الشباب, au départ, quand ils étudient l'ilm, au lieu d'apprendre les bases, al-Qur'an, wa-sunnah, la langue arabe, ilm al-tawhid, ilm al-aqidah, apprendre à lire, qabla dhalik, apprendre à écrire, apprendre à réciter le Coran, et kadhalik, al-inaya bi'ulum al-ala, apprendre al-nahw, apprendre al-saf, apprendre usul al-fiqh, apprendre mustalah al-hadith, etc. Ces outils que tu as besoin, comme a dit le shir, leur occupation, c'est un tel il a dit, un tel il a fait, un tel c'est un égaré, un tel. Ne pas comprendre min hadha, wa sayati, insha'Allah ta'ala al-bayan, ne pas comprendre min hadha, كما فهم أهل الزيغ والإنحراف أن الجرح والتعديل c'est une mauvaise chose أبدا الجرح والتعديل c'est طيب ça fait partie de notre دين c'est علم نافع بل الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بعلماء الجرح والتعديل بأئمة الحديث لكن الشيخ هنا il veut faire un تنبيه رحمه الله أن si le jeune au départ avant d'apprendre il rentre dans ce domaine dans hadha al-bab annahu sa préoccupation c'est que la critique des autres il se fera beaucoup de mal pourquoi qala fa hunak man laysa lahum hamm illa fulan qala kadha wa fulan qala kadha ma laka wa li fulan anta utlub al-ilm hatta ta'rif al-haq ça ça nous montre quoi ça nous montre que Cheikh Fawzan Hafidhahullah il nous encourage à faire des efforts fil ilm une fois que tu auras appris al-ilm Cheikh Fawzan Hafidhahullah, ça sera un des premiers à t'encourager à réfuter Ahl al-Bida' wa al-Dalal. Et on va pas rapporter ces paroles fi ahamiyat al-jarh et l'importance de répondre aux égarés. Après, il va mettre en garde contre les égarés. Lakin, bien comprendre que l'ulama, quand ils disent ne parle pas sur un tel, ne t'occupe pas par un tel, ça veut pas dire qu'on doit laisser ilm al-jarh wa al-ta'dil. Même les jeunes. Mathalan, si le savant, il met en garde contre un tel, avec ilm bien sûr, avec dalil, et c'est le cas des savants, wa illa ilham, sauf quand il y a une divergence, al-insan yandur, al-mas'ala, est-ce que le jarhil al-mufassar, etc. Il y a d'al-hal, tu dois prendre kalam ahl al-ilm, tu dois prendre bi al-jarh, ou si c'est un ta'dil bi ta'dil. Ah, c'est important, lakin huna al-murad, c'est délaisser l'ilm, et tomber dans la polémique, et s'occuper que de cela. Qala amma annaka, تخط الناس قبل أن تتعلم. هنا il a fait la précision. إما critiquer les autres avant d'avoir appris. إما ça sera une critique basée sur l'ignorance. إما sur le تقليد. إما les passions. والله بعضهم يكريتيك أو يغبت une critique ما يدري عن الشخص. Il sait même pas ce qu'est la personne. Il sait même pas c'est quoi qui lui est reproché. هكذا. ثم بعضهم يكريتيك d'autres alors qu'il n'y a rien de critiquable. ولله الحمد. إلا les passions. Et pardon, ils veulent se montrer. Et pardon, ils veulent nous. Anna, si tu parles beaucoup, un tel c'est un hizbi, un tel c'est un mubtadi'. Khalas, t'es qawi fil manhaj. Al-quwa fil manhaj, c'est pas comme ça. Al-quwa fil manhaj, c'est en étudiant l'ilm. Al-quwa fil manhaj, tu veux être fort dans le manhaj, tu reviens à l'ilm. Tu parles pas avant al-ulama, khasatan al-jahil. Al-quwa fi al-jarh wa al-ta'dil, c'est le bon comportement. C'est de vouloir pour les autres le bien. Et quand il faut montrer le haqf, l'insan, yathbut. C'est ça, al-quwa. Elle m'a parlé beaucoup. En général, c'est synonyme de faiblesse et de perte de temps. Qala wa taqul fulan yaqul kada wa fulan yaqul kala wa kada wa ihdharu min fulan. Hada laysa manhajan saliman. Pourquoi c'est pas un manhaj salim? C'est pas une voie authentique. Limada? Parce que c'est pas fondé sur la science. Al-jarh wa at-ta'dil, c'est une science. Elle doit être fondée sur la science. Tu dis, Foulain, c'est un égaré, tu dois montrer pourquoi. À ma vouloir se montrer, répéter hakada aveuglément, Rabbam Allah subhanahu wa ta'ala yabtalik, et tu te fais critiquer justement. Faliyat al-insan yihadr min al-zulm. À ma être injuste au nom du jarh wa ta'dil, hada la yamfa. قال هذا ليس منهج السليما. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكيف تتبينون وتثبتون إلا بتعلم العلم النافع على أيدي أهله المعروفين به. استدلال جميل. إلى ستة لا parole d'Allah عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي si une information elle vous parvient d'un فاسق, d'un innovateur, d'un égaré, d'un pêcheur, إلى آخره, فتبينوا, fais attention. الشيخ حفظه الله تعالى قال كيف تتبينوا, comment tu vas faire attention, comment tu vas pouvoir peser cette parole, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, est-ce qu'elle est en concordance avec les textes amla, si tu n'as pas de ilm, comment tu vas faire. C'est pour ça que l'ulama il conseille, commence par l'ilm. Au départ, la tadawassa, ne polémique pas, ne rentre pas dans la polémique. Ça ne veut pas dire que tu n'acceptes pas al-jarh ou al-ta'dil. Là, même tes débutants, on te montre qu'un tel c'est un égaré, écarte-toi des égarés. Au départ, suis les savants de la sunna. Concentre-toi sur le Coran, concentre-toi sur le sunna, fais des efforts en langue arabe. Reste avec les frères ou les qui sont à la sunna. Essaye, si tu peux, voyager عند العلماء pour apprendre. Tu verras quelques années, si tu es sérieux, toi-même, tu mettras en garde bi'ilm contre certains égarés. Et personne ne te dira, ne parle pas ou ne mets pas en garde. Min al-ulama ou min al-tullab. Bel, si c'est fait bi'ilm, wallahilham, tu seras encouragé. C'est un djihad parmi les catégories du djihad fi sabilillah. Hada ma'na kalam, Cheikh Fawzan. On va ajouter deux paroles pour clarifier encore plus. Hada al-kalam al-jamil. Et on a cité, ou plutôt on a choisi deux paroles de deux imams. من أئمة الجرح والتعديل أنا أتخبك الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه والشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. C'est deux savants qui avaient de la قوة في هذا الباب, qui ont critiqué beaucoup d'innovateurs. بل عند أهل البدع والتمييع, ils sont considérés comme متشددون, ils sont considérés comme égarés. بل الجهال الآن وأهل البدع والضلال, ils critiquent As-salaviyin en les appelant Al-Jamiya. Annahum, c'est les suiveurs de Muhammad Aman, Al-Jami, Al-Imam, Al-Allama, rahmatullah alayhi. On a choisi ces deux paroles pour montrer que Ha'oula, qui donnait beaucoup d'importance à Hadal Ilm, fata'ammal leurs conseils aux jeunes débutants fil Ilm. On commence par Cheikh Mokmida, rahmatullah alayhi. Qala, kama fi gharatil ashrita, fama asal an tahfad lak kalimat. فلان حزبي أو فلان عميل وترددها من هذا المجلس إلى هذا المجلس. الشيخ مقبل رحمه الله il a conseillé les jeunes débutants في العلم et أهل السنة en général. فقال فما أزهل, أي qu'est-ce que c'est simple de dire certaines paroles. صحيح, c'est très simple, tout le monde peut parler. فقال فلان حزبي أو فلان عميل, que ça soit concernant les étudiants ou les savants, dire c'est un égaré, c'est un hizbi. Ou kadalik, les gouverneurs, dire ce gouverneur c'est un égaré, il est à la solde de un tel, il fait cela pour l'argent. Non, ou plutôt en parlant des savants, les savants ils sont à la solde d'un tel, ou ils reçoivent de l'argent, ou le gouverneur, non, c'était ça le maqsoud, le gouverneur c'est un amil, ce gouverneur il travaille avec les koufars, ou c'est un égaré, muhim. Hada c'est min asal ma yakoun, tout le monde peut parler. Lakin, la patience, parler avec ilm, faire des efforts dans la science, hada c'est pas pour tout le monde. Fali hada qala al-shaykh wa turaddiduha min hada al-majlis ila hada al-majlis. Fali hada ba'dhum, et encore, ces savants, ils ont pas connu cette génération des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est min asal ma yakun. Ba'dhum, al-an ils parlent sur les gens comme une personne normale elle boit de l'eau. Rubbama yat'anun fi a'imma min a'immat al-'asr, comme ce que certains égarés ils font avec l'imam al-Albani rahmatullah alayh, layl wa nahar, pour eux c'est très simple. Hakada derrière un clavier, derrière un écran. Qala bal urid mink an tabda bihifd al-Qur'an wa bihifd ma istata'ta min ahadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hakada al-lughah al-arabiyya. Khud hadhihi an-nasiha si tu veux réussir et demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Nasihatu imam mushfiq. Prends ce conseil de cet imam. si tu veux réussir. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Qala bal urid mink. Est-ce que Cheikh il voulait de ses élèves et des jeunes en général? Commence par hifd al-Qur'an, apprends le Qur'an. Wa hifd mastata'at min ahadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu as appris les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Si tu ne les as pas appris, la tukthir al-kalam. Ne perds pas ton temps à parler à droite à gauche. Tu vas parler avec quoi? Tu ne connais pas des hadiths, des bases de l'islam. Tu connais Umdatul Ahkam. Tu connais Riyad Salihin. Tu connais Bulugh al-Maram. Pour pouvoir t'exposer hakada et répondre aux questions et te mettre en avant. Ça nous montre, c'est là les priorités pour nous. Amma al-jarh wa al-ta'dil, n'aie pas peur. Wallahi alhamd Allah subhanahu wa ta'ala yansur dinah avec des rijal à imma. Que ce soit à notre époque ou avant notre époque. Wallahi alhamd. Mais tu as fait des efforts. La'alla Allah subhanahu wa ta'ala il te guide et tu deviens une référence. Et tu fais du khir. Wa hakada al-lughatu al-arabiyya. Est-ce qu'on maîtrise tous la langue arabe? On sait lire, on sait écrire, on sait parler, on sait communiquer. Si on a des problèmes, on doit commencer ces trois choses. À partir de demain matin, lève-toi, commence. Fais-toi un programme hifd al-Qur'an. Si tu ne connais pas le Coran, commence par les sourates courtes. Ou hakada tatadarraj. Si tu ne connais pas des hadiths, commence par Wallahi alhamd al-arba'in al-nawawiyya. Si tu les connais, commence par Umdat al-Ahkam. Ou des moutons nafi'a comme al-wasitiyya. Ou autre. Ou kitab al-tawhid. Tu ne connais pas la langue arabe, commence à prendre des cours dans la langue arabe. Falihada qal al-shaykh, ta'ammal. فلو شغلتم انفسكم بحفظ القران وبتحصيل العلم النافع ما وجدتم وقتا لهذا الكلام. Si on s'occupe avec l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran et كذلك la mémorisation des hadith du prophète عليه الصلاه والسلام, la langue arabe, apprendre notre aqida, apprendre le tawhid, wallahi tu ne trouveras pas le temps, ni dans les réseaux sociaux ni dans la rue, tu n'auras pas le temps. Ya Allah, tu arrives à finir ton programme et à faire des choses que tout le monde fait, manger, dormir et te reposer quand tu peux. Amma al-farg, c'est ce qui fait beaucoup de mal aux jeunes. Et la perte de temps et le temps libre. Pardon, ils n'ont rien à faire et ils essayent de se rassurer, ils se mettent en avant. Annahum, c'est eux qui secourent hadal manhaj. C'est eux qui secourent din Allah. Alors que wallahi, ils se font du mal à eux-mêmes et ils font du mal aux autres et ils salissent hadihi ad-da'watu المباركة التي من أنصارها هذا الإمام رحمة الله عليه الشيخ مقبل. الشيخ مقبل les efforts qu'il a fait et ولله الحمد ses élèves, les efforts qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire, فالحمدلله tu le vois, tu en profites. وهذه الدروس ولله الحمد c'est une ثمرة parmi les ثمرات de la دعوة de ce imam, les دروس qu'on fait ensemble. ولله الحمد والمنة. La deuxième parole, c'est la parole de Al-Allama, Al-Sheikh Mohamed Aman, Al-Jami, Rahimahullah, comme fait Sharh, Al-Wajibat, Qala, Kounuka, Tadrus al-Usul al-Thalatha faqat. Thumma tajlis fi zawiya wa tasdur al-Ahkam al-Nas, Fulan ta'ud, Fulan jahil, Fulan mubtadi'a, Alladhi la yubaddi' al-mubtadi'a, fahuwa mubtadi'a. Al-Sheikh Huna Qala, Anna al-Ba'ad. Ils ont appris, ou ils ont étudié al-Usul al-Thalath. Al-Usul al-Thalath, ta'alamoun, Anna, c'est une risala pour les débutants ou pour les enfants. Et celui qui est sérieux et régulier, enfin, en quelques jours, wallahi alhamd, il l'aura mémorisé par cœur et il l'aura comprise. فبعض الناس, ils ont étudié هذا المتن ثم يجلس في زاوية, إما dans un masjid, إما dans la rue. مهم, à notre époque, les réseaux sociaux et فلان سانتاروت. وبعضهم يطعن في حكام المملكة العربية السعودية. Avec tous les efforts qu'ils font, avec le khayr qu'ils propagent. Et on ne prétend pas qu'ils sont infaillibles, abadan. Tout le monde fait des erreurs. Lakin, le khayr qu'ils propagent, les efforts qu'ils font, et la pression qu'ils subissent, la akhiré, tu trouves un farir, un vaïr, un jahil, derrière son écran, avec son clavier, et très simplement pour lui, le roi de tel pays, c'est un kafir. Le roi de tel pays, c'est un tarout. Et huwa, ka annahu ilavi. Kanahu, il est dans un mustawa que personne n'a atteint. Hada, ça vient de quoi? Ça vient de l'jahl. Ça vient de l'jahl. À notre époque, nahnu, al-an, wa'aduhum, la usul al-thalath, wala shay. Wala shay. C'est les réseaux sociaux du matin au soir. قال وفلان جاهل وفلان مبتدع الذي لا يبدع المبتدع فهو مبتدع. انظر, cette règle sera courcie à cause de l'ignorance. صحيح ان بعض الجهال من الحداديه وغيرهم ils sont arrivés à dire هذا, ان celui qui prétend que celui, نعم, celui qui dit plutôt que tel, si tu ne rends pas l'innovateur, fait tu es un innovateur. هذا c'est très très grave. لان الانسان ربما لا يبدع المبتدع à cause de إما il a pas compris une masala, إما il ignore le sujet. مهم, ça arrive بعض العلماء زكوا بعض المبتدع. Est-ce qu'on va faire ce raccourci vu qu'il a pas rendu ce مبتدع? C'est un مبتدع, نعود بالله. C'est pour ça que بعضهم, certains de هؤلاء الجهال, ils prétendent que الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه صاحب الفتح والمؤلفات الطيبة عندهم il est comme سيد قطب عندهم سامنحرف. بعضهم ils ont صرح il faut brûler ses livres. ونعوذ بالله من الجهل. C'est quoi la cause de هذا الجهل والضلال? C'est le fait d'avoir délaissé l'ulama, de ne pas avoir appris l'ilm et vouloir rentrer في هذا الباب العظيم الجرح والتعديل لكن sans provision, sans ilm. فالهوى rentre, l'insan veut se mettre en avant et il se fait du mal et il fait du mal aux autres et on répète. هؤلاء السالس هذه الدعوة المباركة الجميلة كفوندي سور العلم والحكمة. قال فتاوى تخرج من النوافذ ومن أطراف المساجد ومن البيوت من أولئك الذين لم يدرسوا شيئا بعد. C'est ça la cause. أنهم ils sont هكذا isolés أو dans certains endroits. Et à notre époque avec les réseaux sociaux الآن c'est une مصيبة. Et لم يدرسوا شيئا بعد. Si tu viens à voir le temps que هؤلاء ils réservent au ilm, wallahi tata'ajjab. Probablement واحد il fait des efforts في العلم du matin au soir الى اخره, il le critique très simplement sans aucune hujja. لماذا ils te critiqueront? Parce que t'es pas avec eux. Ça c'est min al-jahl. Là, probablement un savant ou un talib ilm que tu connais pas ou qui n'est pas de ton pays, il est à la khir azim. فالميزان c'est quoi? C'est est-ce qu'il khalif al-Qur'an wa sunnah am la? Amma, tu n'es pas d'accord avec lui, ou il a divergé avec tel savant, khalas, c'est un munharif. Ça, c'est l'ignorance que Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayhi, il décrit هنا. قال ارحموا الناس, بل ارحموا انفسكم, هذا خطأ. نصيحة جميلة, ارحموا الناس. لماذا? لأن هؤلاء, ils ont sali la da'wa, et ils ont donné une mauvaise image. Et بعض الناس, ils pensent الآن que السلفي, طالب العلم, أنه, il est forcément متشدد. Anahu, il rend forcément tout le monde innovateur. Wallahi, ba'dhum, quand il te parle, tu sens hada. Anahu, il pense que tu rends tout le monde égaré. Anna, tout le monde, c'est des innovateurs à part ton shir. Limadha li anna, ba'd annas, ils ont sali hadhihi ad-da'wa al-mubaraka. Fa kama qala al-shaykh, irhamu an-nas. Et la miséricorde envers les gens, sans délaisser le haqq. Hadha al-kalam, on répète. Si tu viens à citer tous les redoutes de Cheikh Mokbil rahmatullah alayhi et de Cheikh Mohamed Aman rahimahullah, enfin, c'est des dizaines ou des centaines, walillahi hamd redout, haoula kanu yaqoumoun biwajib azim, lakin bi'ilm. Amma, ce qu'on réfute l'an, c'est parler avec passion et ignorance. Qal irhamu nas, bel irhamu anfusakum. N'am liyanna l'insan, il faut qu'il fasse attention. Anna même une kalima qu'on prononce, ya ikhwan, ou même une من جملة qu'on écrit avec notre téléphone, écrire un tel saint Hizbi, un tel saint égaré, لا تظنون أنها سي سامبل. والله, chaque kalima qu'on écrit, on rendra des comptes. Et si on se remémore, on se rappelle la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. قالوا ما رضغة الخبال يا رسول الله. قال عصار أهل النار. Celui qui dit sur son frère une chose dont il est innocent, un mensonge, une chose qu'il n'a pas faite, c'est un égaré alors que c'est pas un égaré, c'est un hizbi alors que c'est pas un hizbi, c'est un innovateur alors que c'est pas un innovateur, il rendra des comptes يوم القيامة. C'est pour ça que quand on parle, on fait attention. On fait attention. Est-ce que c'est pas une injustice? Est-ce que c'est haq? Et pour éviter ces injustices, reviens à Ahlul Ilm. Ça ne veut pas dire que les savants ils auront toujours raison. Lakin, reviens à Ahlul Ilm, thumma les paroles des savants, tudras. Khasatan quand il y a khilaf. Quand tu as khilaf, le savant il peut se tromper, le savant il peut ignorer. Fatadros, le savant il peut citer un hukm, mais il est ma'zour. Ou il est ma'djour, bisabab ijtihadihi. Il a une récompense par rapport à son ijtihad. Mais suivre aveuglément et suivre ses passions et en profiter pour critiquer un tel et propager. Bireir ilm, fahada yadur. Hadihi, nasiha de haula al-a'imma. Donc la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans notre risala, et on a ajouté la parole de Cheikh Muqbil et de Cheikh Mohamed Aman, alayhim rahmatullah. Donc al-khulasa, ça c'est que hadha al-bab al-azim, bab al-jarh wa al-ta'dil, ahl al-sunnah, ils sont wasat. On fait attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Hala al-khawarij ou al-haddadiyya, qui critiquent les gouverneurs, les savants, ou matraku ahad, et haoula, c'est des ignorants et suivent leur passion. Kadhalik, qu'on fait attention à l'autre extrême, ahlut tamyi' wal jahl. Indahum, parler sur les gens, c'est haram, c'est mamnou', même si c'est min ru'us al-munharifin, et on a des preuves, et les savants, ils ont parlé, et pour mettre en garde, ils disent là, il faut pas critiquer les musulmans. Haoula, kadhalik, c'est des ignorants, enfin, la voie du juste milieu. Et on répète les conseils qu'on a lus de ces savants, c'est pour nous motiver à étudier l'ilm. Au départ, si Talib s'occupe que de cela, ça lui fera du mal. Léna, c'est pas une méthode. La méthode au départ, c'est d'apprendre le Coran, apprendre le Sunna, apprendre ta'aqid, apprendre la langue arabe, sans négliger le jarh wa ta'dil. On répète, même pour les débutants. Maintenant, il y a un égaré, un frère, il te montre, tu lui demandes la parole des savants, les preuves, il te les montre. Baraklaoufik, on avance. Du matin au soir. Thumma, ça se transforme en polémique. Et c'est plus du ilm, ça devient des passions. Pardon, c'est comme si ils défendent des équipes dans le sport. Kulwahad il a son équipe et on manque d'objectivité et de sincérité. Ah, ça devient une fitna. Ayyadan billah. Falihada l'ulama nassahou fi hada al-bab. Et c'est pour ça qu'on a voulu lire ensemble, wallahi alhamd, hadihi an-nuqulat, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqqi والهدى ونسأله عز وجل أن يوفقنا لطلب العلم حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا et demain بإذن الله عز وجل on continue l'étude de nos deux livres وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته